Donc on va vous faire découvrir notre intervention à travers du coup un petit logiciel qui permet de géolocaliser, enfin non, plutôt géoposter des sons. C'est-à-dire que là, avec une application sur son téléphone, on peut très bien arpenter la rue et découvrir les différents sons qui existent dans le périmètre qu'on veut choisir. Et on peut du coup mettre des sons de projet aussi. Et donc on voilà. Faire le projet et faire découvrir le projet grâce à cette application. Oui, c'est-à-dire que la balade qu'on va faire, on pourrait la faire en vrai avec les sons. Du coup, c'est Simon qui va balader notre petit personnage selon le parcours qu'on a défini. Maintenant, on va vous proposer le scénario qu'on propose. En rajoutant en fait des événements ou des lieux de repère ou même des bandes son un petit peu décalées quoi. Oui, quand même ce qu'on a voulu un peu montrer dans ce premier parcours, c'est qu'on ne sait pas trop où on est, c'est un parcours un peu monotone avec juste des bruits de voitures ou de failles, bon, avec quelques failles d'être noir, mais c'était pas volontaire, donc après on propose notre scénario un peu plus exotique. moins le parcours qu'on a choisi de faire. Du coup, en relation avec la deuxième bande son, avec les deux bandes son qu'on vous a présentées, mais surtout on l'a choisi en fonction de ce qu'on voulait apporter à ce parcours. Donc, on va commencer par le sud, pour monter l'allée de Boulot. Ensuite, on passait comme ça au nord de l'école et on sortait par là. Du coup, dans notre scénario, on a cherché à apporter un espèce de repère d'entrée centrale par le bruit d'une grosse fontaine à l'entrée des Boulots. Qui ferait en fait la frontière entre village olympique et puis ce serait un repère central, quoi. Voilà, ensuite on progressait dans l'allée des Boulots. du coup, à la place des bruits des enfants, on a emprunté un son à Sylvain qui provient de Bornéo. De Bornéo, et donc c'est donc un son de quel niveau? Oh ben là, on entendait un peu des gibbons, mais en fait, l'idée c'est qu'on cherche des repères spatiaux compréhensibles. Donc la fontaine, ensuite là, bon, on a juste remplacé l'école par une grande serre tropicale où on peut entendre des gibbons. Et puis on poursuit. Ouais. Et voilà, sur la fin, on cherchait à. Enfin, on a défini une activité aussi de marché et de halle couverte dans l'avant-dernière rue et qui pouvait un peu déplacer les habitants et réanimer l'espace public et faire que du coup les cours intérieurs au centre des îlots retrouvent leur fonction de havre de paix si l'espace public lui-même est plus agité et attire plus vers l'action. Voilà. Notre démarche. C'est très bien cette idée de fontaine. Et puis le marché, ça peut être vraiment possible de faire sur la place du parcours. Non, mais mobile. Est-ce que le seul marché en fait dans le quartier, c'est à Villeneuve. Donc nous, on ne profite pas de cette animation, de ce rythme de la semaine. Ça peut être vraiment une bonne... Ouais, ce qu'on voyait, au départ, on avait plein d'ambitions, mais il y a aussi un jardin ici à côté de l'université. On s'était dit que voilà, ces deux terrains-là pouvaient vraiment être des terres d'événements qui pouvaient aussi faire la liaison avec les autres quartiers, avec les étudiants qui sont ici. Projeter des matchs de foot ou faire d'autres choses culinaires, culturelles. On se disait qu'il y avait ici deux pôles qui permettaient, enfin deux terrains libres, quoi, qui pouvaient être vraiment des opportunités de sortir au dehors de son îlot et du coup d'être peut-être moins auto-centré sur sa cour et que justement elle retrouve leur fonction de silence et d'intimité. Mais aussi d'orienter l'espace parce que on est dans maille carrée, orthogonale, et on a eu la première fois éventuellement du bon, on est où? Alors évidemment les Boulots ça marque l'allée centrale, mais par contre il n'y a rien qui nous attire à aller au fond ou derrière ou tourner à droite ou à gauche. Là bon, on a trois pôles, alors bon, ça peut oser de remplacer les enfants par des gibbons, mais je dirais c'est la même idée que le jardin, un peu poussé plus loin que le jardin et les cabanes mobiles. La fontaine, bon, c'est structurant, c'est tout à fait faisable, le marché c'est faisable. Et ce qu'on entend, bon, désolé, alors c'est la leçon à retenir, quand on accumule plusieurs traitements logiciels, il faut toujours remonter à un moment les niveaux, enfin, mais on n'a jamais eu accès à ça finalement. Désolé pour le. C'est bon partout. Ouais, je crois bien. Ouais. Mais ce qu'on entend par contre, ce qu'on voulait et ce qu'on a obtenu dans l'esquisson, qu'on entend très bien avec un casque au bon niveau, c'est les perspectives. Du coup, ça crée le marché, tu le sens venir. Et quand je croise une rue, je sais qu'il faut que j'aille par là parce que j'entends le marché au fond avec la réverbération qui me l'amène, canalisée par la rue. Donc, pour nous, La présentation est peut-être pas à la hauteur de ce qu'on entendait, mais voilà l'intention en tout cas. On a quand même gardé l'ambition de le présenter avec plus, quelque chose qui permettrait de communiquer assez facilement une intention avec des utilisateurs, des habitants. Vous connectez sur ça et puis vous entendrez le son de demain. Justement, c'est une question, c'est exportable ça ou pas? Tu arriverais à l'exporter pour qu'ensuite on prend un téléphone et on peut aller demander à l'université. Bien sûr. C'est l'idée. Ce serait bon. Ouais, tu peux faire des essais du coup d'ambiance sonore, urbain, ça peut être un bon outil quoi. Faut-il encore télécharger l'application sur son téléphone et puis être connecté. Mais en fait, est-ce que vous pouvez juste mettre cette application là en ligne, comme ça on peut le. Sur le blog. Comme ça on peut. Et en fait, ça, vous avez enfin produit une bande de. Non, du coup, là, on va l'enregistrer. C'est une application gratuite ou. Ouais. En tout cas, la fontaine, ça m'a. Enfin, j'avais pas, quand on l'avait regardé ensemble, j'avais pas du tout suivi. Vous avez fait aussi. Ça m'a vraiment surpris, mais dans le bon sens du terme. Parce que c'est vraiment un endroit qui dessert complètement l'île Musset sur le plan sonore. Quand on vient du village olympique, en tout cas, on arrive face à ce bâtiment, là, avec la pharmacie, on tourne autour, et après, pouf, on se retrouve dans quelque chose qui n'a pas vraiment de qualification, on sait pas trop, c'est très. C'est de l'urbain, non urbain, enfin, on sait pas vraiment trop où on est. On retrouve la et là, ça, le fait de dire on met une fontaine, et bien tout de suite, ça redonne de la force sur le plan sonore. Après, bon, la serre tropicale, je sais si vous faites ça, l'île va être remplie de monde. Ah, ça attirera des gens. Moi, j'irai plus souvent. Non, mais c'est vraiment ce qui apparaît quand tu es dans l'exposition avec le casque, c'est voilà, si tu entends la serre au coin du building, c'est. D'y aller. Donc effectivement des marqueurs marquants, c'est ce que je veux dire, donc avec le logiciel on y arrive bien à le faire ressentir. On prenait les enfants pour qu'ils fassent des bruits comme ça. Non. Alors, on aurait pu mélanger les enfants. Là, c'était le cas. C'est vrai que les enfants, c'est un bon marqueur aussi. C'est quand même qu'on va vers l'école. Bon, on n'a pas forcément envie d'y aller. Non, mais après, il y a deux, trois problèmes techniques. Puis on n'a pas voulu trop artificialiser parce qu'on aurait pu mixer une école avec une serre tropicale. Bon, ça, c'était un peu. C'est une école tropicale. Bon, j'ai ça aussi. Mais. Après, je vous ai dit qu'on ne connaît pas les accents, peut-être. Bon, voilà. Merci beaucoup. Le nom de l'application que vous avez utilisé, c'est. Je me souviens plus. Sonic Waves. Voilà. Là, cette application-là, c'est une application que je peux donner à tout le monde, mais qui n'est pas téléchargeable sur Internet. Et c'est Sonic Waves qui permet d'écouter dans la rue. Les sons de point. Et du coup, pour créer ça, on a besoin de cette application-là. Ouais. Donc, avec Sonic Waves, on ne peut pas créer soi-même son chemin. C'est un plan, en fait, qui permet de bosser sur ton ordi et de voir qu'est-ce que ça va être le rendu. Tu vas pouvoir te balader sur ton ordi pour voir comment. Normalement, avec Sonic Waves, tu as juste des pistes, des sons, et puis tu vas pointer avec ton portable dans les zones. Tu vas pointer avec ton portable, il voit les coordonnées GPS. Tu as fini un son et après avant que tu cliques à l'application, cherche ton compte, et dans ce quartier, ah bah tu as cette zone et je clique et je me balade et je suis là. C'est un bon moyen de faire des balades sonores. Ouais. Assister. Ouais. Merci beaucoup.